Bienvenue à l'aérospatiale en ce mardi 17 février. On se consacre au mois multi en deuxième partie d'émission. Jean-Pierre Gay sera avec nous pour discuter des installations du mois multi. Également, Fanny Hénon-Lévy est allée à Méduse. Elle va nous parler de quelques petites choses qui l'ont intéressée. Aussi, on discute avec Grégory Chatonsky qui présente avec Dominique Sirois des mémoires éteintes à la Chambre Blanche. Donc, c'est le résultat de leur résidence. Également, Raymond Poirier viendra nous faire sa revue de presse. Julie Gagné avec vous. Hein? J'étais tellement pressée de débuter mon émission. Et le tout sera ponctué des suggestions de Simon Roy. Bonsoir, Simon. Bonsoir. Ça va bien? Ça va très bien. Simon, aujourd'hui, on écoute My Own Cubic Stone. Oui, c'est un projet qui nous vient de la France. Ça existe depuis 2009. Donc, artiste qui ne dit pas sa provenance exacte de la France, on va le respecter. C'est un type qui travaille avec des guitares, des claviers, theremin, il brasse tout ça dans un ordinateur et ça nous fait une belle... moi, je trouve que ça ferait une belle trame sonore pour un film noir, un film de détective ou quelque chose du genre. C'est assez mystérieux. C'est je vous ai choisi quatre pièces de son album Myth of Icaros. C'est sur l'étiquette norvégienne Petroglyph Music, une excellente étiquette qui se spécialise dans la musique expérimentale. Voilà, ben merci beaucoup, Simon. Ça fait plaisir. Puis on va écouter un extrait de cet album. On écoute la première pièce, Parsifae, je crois. Voilà, c'est comme ça que ça se dit. Là, c'était un extrait de l'album Myth of Icaros de My Own Cubic Stone, une suggestion de Simon Roy qu'on peut entendre les dimanches soirs à 19h sur les ondes de CKRL. Il anime Web Musique. Je me tourne vers un autre animateur de Raymond Poirier, oui. Bonjour. C'est une station. Bonsoir, Raymond. Je m'anime moi-même. Oui, c'est bien ça. Tu te divertis au moins. Exactement. Et sinon, ben, grosse semaine, en fait, quand même, gros deux semaines, on peut dire comme ça, du côté des arts visuels. Au début de février, on apprenait qu'il y aurait une présence québécoise record cette année à la Biennale de Venise. Alors, outre évidemment le trio BGL qui représentera officiellement le Canada, ben, le Conseil des arts et des lettres du Québec a annoncé qu'il financerait la participation de plusieurs artistes. Jean-Pierre Aubé, Simon Bilodeau, Guillaume Lachapelle, Frédéric Lavoie, Alexandre Berthier et Mélanie Bédard, de même que de la commissaire Marie Fraser et de la revue S également. Alors, édition historique. Donc, reste à voir maintenant quelles seront les retombées de cette présence-là, le Outre-mer. Et parallèlement, d'ailleurs, j'en profite pour mentionner, si vous avez été faire un tour sur le Facebook de BGL ou sur le site officiel, eux font la vente aussi de quelques toiles pour appuyer, financer leur participation là, au kiosque du Canada du côté de Venise. Voilà, mais cette présence québécoise, on la met dans notre pile de dossiers à suivre. On a bien hâte de voir comment ça va se passer. Exactement. Et sinon, autre nouvelle, le Musée de la civilisation se prépare à ouvrir aux visiteurs les salles touchées touchés par l'incendie du 15 septembre dernier. Retour à la normale s'effectuera de façon progressive. Devrait être complété d'ici quelques mois. C'est ce qu'a annoncé la semaine dernière, en fait, le directeur général de l'institution, Michel Côté. C'était lors de l'annonce, d'ailleurs, de leur nouvelle programmation. Programmation qui risque de s'annoncer quand même assez faste. Il y aura, bon, des expositions sur la danse contemporaine et autres. Et notamment, dans la suite, un peu des maîtres de l'Olympe. Ils vont faire un gros coup pour l'été prochain avec Égypte Magique, qui va comprendre à peu près 250 artefacts tirés de collections de plusieurs musées européens et des objets appartenant à certaines collections privées. Ça serait intéressant de voir, et évidemment, ça serait intéressant de voir aussi les espaces. Ce qu'a dit M. Côté, c'est qu'essentiellement la moitié du musée était remise à neuf, donc c'était pratiquement un musée neuf à l'intérieur comme à l'extérieur, ouais, qu'on allait pouvoir découvrir là, au fil des prochains mois. Sinon, on reste du côté canadien. Les 11 nominés de la liste longue pour le concours de photographie du Scotiabank ont été annoncés. On parle quand même d'une bourse de 50 000 $, d'une exposition également chez Ryerson Image Center, d'un livre publié par l'éditeur Stidel. Donc, les nominés pour la liste longue, ben, de Montréal, Benoît Aquin, qui d'ailleurs va faire paraître ou a fait paraître une publication du côté de vue sur Mégantic. Publication de photos qui sera surveillée, évidemment. Il y a également Diane Boss de Calgary. Il y a Jim Bruckelman de Vancouver, Raphaël Goldchains de Toronto, Angela Goeroles de Montréal, Isabelle Ayer de Radon, qu'on connaît aussi bien ici à Québec, Emmanuel Léonard de Montréal, Laura Letinski de Chicago, Green Patterson du Nouveau-Brunswick, qui va être du côté de la Galerie 3 prochainement, Gabor Zgalski de Montréal, et enfin Robert Walker, Silasi, oui, de Montréal, et Robert Walker également de Montréal. Quand même beaucoup de Québécois dans cette liste. Belle représentation. Il y a beaucoup de gens qu'on a eu l'occasion de voir ici ou de gens qui sont plus actifs du côté de Montréal. Alors évidemment, on suivra ça avec attention. On attend ça pour quand? On attend ça pour prochainement, en fait. Donc la liste courte va être annoncée en cours de mars et en mai, on aura le gagnant. Voilà. Sinon, petite nouvelle, autre récompense, la chargée de cours Véronique Leblanc a remporté récemment un prix décerné à la relève en histoire de l'art. Alors, Véronique Leblanc a reçu le prix John R. Porter de la Fondation du Musée national des beaux-arts du Québec pour récompenser ses essais sur les artistes contemporains Emmanuel Léonard et Arthur Jmelinski. Donc, un prix qui s'accompagne d'une bourse de 10 000 $ d'ailleurs. Quand même, hein? Et en terminant, puisqu'on parle d'argent, eh bien, j'en profite pour mentionner qu'on a une nouvelle œuvre la plus chère du monde. Toujours utile. J'aurais presque apprécié un roulement de tambour autour de ça. Excuse-moi. Alors, c'est un tableau de Gauguin, Quand te maries-tu, un tableau tahitien de 1892 qui a été vendu en privé la semaine dernière à l'Émirat princier du Qatar, en fait, et qui devient donc le tableau le plus cher du monde à 300 millions de dollars. Donc, c'est beaucoup de sous. Est-ce qu'on précise c'était lequel avant celui-là? Et pour combien? Bonne question. Tu me lances une colle, en fait. C'est pas grave. Donc, c'est pas spécifié dans l'article et je dois avouer ne pas avoir farfouillé. J'ai toujours peut-être un certain... j'ai l'impression qu'on est un peu dans la surenchère quand arrive à des montants comme ça. C'est des montants qui deviennent presque hypothétiques autour de la valeur d'une toile et pourquoi cette toile-là plutôt qu'une autre. Oui, c'est ça. Bon, encore là, on va avoir toute la question de la spéculation là, dans le marché de l'art. Exactement. Mais reste que pour l'instant, donc le lointain Mirat des Sables a acheté en privé autour de 300 millions, donc à son propriétaire suisse qui est un homme d'affaires retraité. Vendeur a confirmé la chose par après. Donc voilà, l'argent et l'art, toujours un mariage d'actualité. Voilà, ben Raymond Poirier, merci infiniment. Ça me fait plaisir. C'est toujours à la barre de La Vie en BD, vendredi 17h30. Et vendredi, ben on va parler de comment on enseigne la bande dessinée. Donc, on fait l'historique des 15 dernières années d'enseignement à l'école de multimédia et de l'image, donc les EMI, du côté de l'Université du Québec en Outaouais. Le seul programme de bande dessinée, d'ailleurs, universitaire au Québec. Voilà, ben l'invitation est lancée. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. On s'en va en pause audio, on écoute Dédalus. Au retour, on discute avec Grégory Chatonski. On est de retour à l'aérospatiale. Comme je l'avais annoncé en début d'émission, on rencontre Grégory Chatonsky. Bonsoir. Bonsoir. Vous présentez à la Chambre blanche avec Dominique Sirois le projet des mémoires éteintes. Le titre est en anglais aussi, là, vous l'utilisez couramment. Oui. Extinct Memories, oui. Voilà. Est-ce que c'est possible un peu de nous parler de ce projet-là? Parce que là, c'est pas votre première collaboration avec Dominique Sirois. Je pense que c'est au moins la deuxième. Vous avez travaillé ensemble à Shanghai, vous m'avez dit On a travaillé ensemble à plusieurs occasions. D'abord, on a travaillé sur une exposition qu'on a élaborée lors d'une résidence à Shanghai, dans une école qui s'appelle l'école Offshore, et qu'on a ensuite présentée sous forme d'exposition au Musée d'art contemporain de Taipei, à Taïwan. Okay. Donc ça, c'était l'année dernière. On a aussi collaboré sur une exposition en France, à Enghien-les-Bains, sur un groupe de rock fictif qui s'appelle Capture, ouais. Qui a tout à fait un autre projet. Et puis là, c'est notre troisième collaboration avec ce projet, qui peut se prononcer en français ou en anglais. C'est vrai qu'en anglais, la chose intéressante, c'est que extinct, c'est l'extinction. Oui, c'est et, ça. Et donc, ça a un double sens qui nous semble intéressant. Mm-hmm. Globalement, qui est moins présent dans éteint, en fait. C'est ça, qui est plus la lumière qu'on éteint et qu'on allume. Donc, pendant cette résidence à la Chambre Blanche, on a commencé à faire la maquette, finalement, du projet. C'est un projet, ensuite, qui va circuler, qui va être présenté en Chine, en Belgique, et sans aucun doute en Espagne et également. Donc, ah, ça, oui, va pas mal circuler. Okay. Et cette résidence à la Chambre Blanche, ça nous a permis de prendre le temps de réfléchir et surtout de faire des choses. Mm-hmm. Donc ça a été extrêmement précieux comme moment. Puis la prémisse, en fait, de ce projet-là, c'est, ben, dans le fond, l'humanité a disparu, comme on se doute bien que c'est appelé à arriver. Puis dans le fond, une nouvelle espèce arrive, puis dans ces fouilles archéologiques, tombe sur une ferme de serveurs. De serveurs, voilà. Chercher le point de départ du projet, il est d'abord de considérer que nous passons tous énormément de temps sur Internet. Faut pas se mentir. La première chose qu'on fait quand on arrive chez soi, c'est d'allumer son ordinateur et de checker ses courriels. Même si on l'avait sur notre téléphone intelligent en cours ou de route. Qu'on l'avait au travail, etc. On est tout le temps connecté. Or, qu'est-ce qu'on fait? On fait des choses consciemment sur Internet, mais il y a aussi un certain nombre de processus qu'on voit pas. Et c'est que les machines n'arrêtent pas d'enregistrer tout ce qu'on fait. Mm-hmm. Notre navigation, notre historique, absolument tout. Donc, on peut s'imaginer que dans 20, 30 ans, on aura des traces extrêmement précises, comme on n'en a jamais eu auparavant dans l'histoire de l'humanité, de l'ensemble des activités, d'une grande partie des activités des êtres humains. Des humains connectés. Moi, dans 20 ans, sans aucun doute, la machine se souviendra plus de ce que j'ai fait aujourd'hui que moi. Ouais. Puis dans le détail, puis la microseconde. Et dans vraiment le détail. Ça veut pas dire que tout, bien sûr, est mémorisé, mais ça veut dire que tout de même, c'est des informations importantes. Or, auparavant, l'histoire, c'était peu d'archives et beaucoup de choses oubliées. C'était, ouais, tous les anonymes étaient oubliés. Mm-hmm. Aujourd'hui, les anonymes que nous sommes, et on est tous d'une certaine manière des anonymes, ben, on n'arrête pas d'être enregistrés. La question qu'on a voulu poser avec ce projet, c'est, à l'avenir, qu'est-ce qu'on fera de toutes ces informations-là? Donc, on a fait une fiction, une spéculation. Effectivement, vous l'avez dit, nous savons que, en tant qu'individu, nous allons mourir. Mais nous savons aussi, comme les espèces vivantes apparaissent, elles disparaissent. Ouais. Et que donc, sans aucun doute, et pas seulement du fait de notre responsabilité, mais aussi parce que peut y avoir un cataclysme naturel. Ouais, parce que c'est l'ordre, c'est l'évolution, voilà. Puis c'est comme ça que ça se produit. Il est possible que, il est fort probable même, il est même absolument inévitable que l'espèce humaine disparaisse. Alors imaginons autre chose, on ne sait pas ce que c'est. Une machine, une espèce vivante, peu importe, on n'a pas à le déterminer. Une conscience, quelque chose qui arrive sur Terre, sur cette Terre redevenue minérale et désertique, sans plus rien de vivant, et qui creuse la Terre et qui découvre effectivement ce qu'on appelle une ferme de serveurs. Une ferme de serveurs, c'est quoi? C'est des ordinateurs sur lesquels on va chercher des informations sur Internet. C'est, mm-hmm, toutes ces informations-là. Et donc, par miracle, ils ont accès aux disques durs et ils arrivent à décrypter une partie de ces disques durs. Qu'est-ce qu'ils pourraient imaginer de nous en voyant toutes ces données? Qu'est-ce qu'ils pourraient sortir de toutes ces données et quelle image ils auraient de ce que nous avons été? Ouais. Ce qu'on avait fait à Taïwan, c'était la même chose, mais c'était plus sur les objets de consommation. S'ils déterrent les sacs plastiques, les millions de iPhones, des objets identiques les uns aux autres, quelle image ils pourraient avoir de nous? L'objectif de ça, c'est très simple, c'est de réfléchir à ce qui se passe aujourd'hui, que nous vivons quotidiennement sans que ce soit toujours conscient. Mmh. Donc, vraiment, une réflexion d'ampleur sur les traces, justement, qu'on laisse. Puis, je lisais aussi dans le communiqué, vous parlez de l'hypernésie. Oui. Donc, la mémoire qui conserve absolument tout, puis nous, ben, on confie c'est un peu aux machines. C'est très paradoxal, parce qu'en même temps, on a un excès de mémoire, et en même temps, on le sait tous, on n'arrête pas d'être amnésique, on n'arrête pas d'oublier les choses. Parce que comme on délègue aux machines de plus en plus des activités qui étaient habituellement des activités de mémoire humaine, eh bien, de fait, on oublie de plus en plus. Par exemple, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais vous rentrez chez vous, vous allumez votre ordinateur, vous êtes en train d'écrire un texte. Allez, vos questions. Ouais. Et puis votre disque dur lâche. Mm-hmm. Et vous perdez toutes les données sur votre disque dur. Ce que vous perdez là, c'est quelque chose de très intime finalement. Je ne sais pas, ça vous est déjà arrivé? Ouais, ben, non, ça ne m'est pas... ça ne m'est pas arrivé, mais il n'y a pas si longtemps, j'ai eu un problème avec mon iPhone, puis il a fallu le remettre à zéro, puis là, j'ai vécu un petit drame personnel. Voilà. D'une ampleur, bon, c'était celle de mon téléphone, mais... C'est un drame personnel. Quand on parle de technique, on ne parle pas uniquement de quelque chose d'instrumental, d'objectif, on parle de quelque chose qui touche à nos existences, aussi à notre sexualité. En Amérique du Nord, 60% des couples aujourd'hui se forment sur Internet. Donc, on touche à quelque chose de très profondément intime. Et la manière dont les techniques aujourd'hui influencent notre intimité, ce qu'il y a de plus personnel en nous, reste encore quelque chose qui est confus et très, très diffus. Mais je trouve ça intéressant que vous parliez justement de cette intimité-là, parce qu'en faisant les recherches pour préparer l'exposition, j'avais lu, je crois, une entrevue que vous avez faite, je ne me rappelle plus avec quel média, où vous disiez, dans le fond, ce qu'il y a de plus intime en nous, c'est aussi ce qu'il y a de plus anonyme. Puis on sent qu'il y a cette idée d'anonymat-là qui est quand même aussi sous-jacente, peut-être, ou indirectement abordée dans votre réflexion. C'est vrai que la question de l'anonymat est une question absolument essentielle, parce qu'avant l'art, c'était des personnages célèbres, les artistes, qui parlaient au nom de tous ceux qu'on oubliait. On avait besoin des artistes à une époque parce qu'ils donnaient une image d'une époque, d'un moment de l'histoire, parce que tout le monde ne savait pas écrire, ne savait pas faire des images. Aujourd'hui, que les gens sont mémorisés par les ordinateurs et par leur activité, la question c'est quel est le besoin encore aujourd'hui d'avoir ces gens qu'on appelle des artistes et qui écrivent des choses. C'est pour ça que d'une certaine manière, en commençant cet entretien, je disais on est tous des anonymes. Mm-hmm. Moi, vous, tous, on n'est pas, il n'y a pas de hiérarchie. Et c'est vrai qu'on est aussi absolument fasciné quand on est sur YouTube, quand on voit des vidéos. C'est l'un des objets d'ailleurs de cette petite exposition. On est fasciné de voir les chats. Vous savez, tous ces chats qui font des choses stupides sur Internet. Ouais, je pense que c'est ce qui est le plus visionné dans le monde. Tout à fait. On est fasciné par toutes ces choses étranges, toutes ces images d'anonymes qui ne sont pas des images de médias traditionnels, mais qui sont des gens qui prennent des images avec leur téléphone portable. Donc, tout le monde peut être mis de l'avant, puis toutes sortes de comportements, toutes sortes d'attitudes ou de... Oui, sans aucun doute. Et en même temps, il y a plein de données qui ne sont liées à aucune autre et qui ne sont pas accessibles. Sur Internet, 70% des informations sont seules, sont orphelines. Donc, personne ne peut y avoir accès. Ah ouais? Oui. OK, c'est quand même assez particulier. On sait que tout ce qu'on fait laisse des traces, mais 70% quand même... D'Internet. C'est 3 trilliards d'informations, je crois. Et donc... ce qui est très étonnant, c'est que dans ce désir de ne rien oublier, d'accumuler de plus en plus et toujours encore de plus en plus de mémoire, eh bien finalement, il y a aussi cette espèce de déchet, de solitude aussi des informations ou des techniques qui sont totalement abandonnées à leur propre sort. Ah, quand même. Ouais. Donc voilà. Donc toute cette exposition, elle consiste à essayer de trouver la zone grise entre ce qu'il y a en nous de plus intime. Alors quand je dis de plus intime, c'est pas l'histoire personnelle, c'est, vous savez, vous êtes chez vous et vous avez un petit frisson étrange. Et c'est une petite émotion, vous savez pas ce que c'est. Et c'est ça, cet anonymat très intime. Donc un lien entre ça, d'un côté, et de l'autre côté, ces machines qui n'arrêtent pas d'enregistrer tout ce que nous faisons. La question, c'est de savoir si Internet, c'est un réseau de communication entre des êtres humains, ou si c'est une façon pour les machines de capter le monde humain, ce qui lui donnerait une dimension et une finalité fort différentes. Et oui, effectivement, puis un peu épeurante aussi, là, d'une certaine manière. Il est vrai qu'il semblerait qu'il y ait un processus en cours d'accumulation de données qui pose de nombreux problèmes. On l'a vu avec l'affaire Snowden l'année dernière, qui pose de nombreux problèmes de surveillance, tout ce que l'on fait est enregistré. Et de ça, on peut tirer des conséquences extrêmement importantes. On vit aujourd'hui dans une, entre guillemets, démocratie. Mais si un système totalitaire s'empare de ce système de surveillance que nous alimentons tous consciemment jour après jour, ce serait une manière de maîtriser une population, un moyen de maîtrise d'une population comme jamais il n'en a existé dans aucun système politique. Puis à laquelle on participe tous, justement, volontairement, nous puis avec grand plaisir. Nous sommes nos propres espions. Ouais. Avant, il y avait des espions, il y avait des systèmes de renseignement qui observaient la population. Aujourd'hui, en bons consommateurs que nous sommes, nous laissons consommer en naviguant sur Internet. Et donc, ce qui est important là-dedans, c'est pas tellement d'être dans la dénonciation, c'est pas non, ça qui est intéressant. Non, on sent pas qu'il y a cette dimension-là. Mais c'est d'essayer de donner toute la profondeur à ce qui constitue aujourd'hui notre présent et qui, comme tout présent, est inapparent parce que omniprésent, parce que partout. Et les choses, plus les choses sont fortes, plus les choses sont omniprésentes, plus les choses sont banales et quotidiennes, moins nous les voyons et nous les avons au milieu de la figure. Donc, cette réflexion sur la technique, c'est pas une réflexion de geek sur l'ordinateur. C'est pas ça qui nous intéresse avec Dominique. C'est véritablement de réfléchir au caractère existentiel des techniques qui affectent profondément notre organisme, notre imaginaire, par exemple, notre manière aussi de communiquer. Ouais. Puis j'ai l'impression, quand je suis allée à la Chambre blanche, que j'ai parcouru l'installation, j'ai eu l'impression qu'il y avait la volonté de traduire formellement cette espèce d'univers virtuel, Internet, je ne sais pas, binaire, un peu épuré. Est-ce que sûrement qu'il y avait cette volonté-là? Nous, c'est pas notre objectif, mais nous, on est des matérialistes avec Dominique. Donc, on est ce qu'on appelle des matérialistes technologiques, c'est-à-dire qu'on estime que l'immatériel, ce qu'on appelle le virtuel, n'existe pas. Le numérique n'est pas immatériel. Internet, c'est pas immatériel. C'est comme si on disait l'électricité, c'est immatériel. C'est absurde, l'électricité. Essayez de mettre les doigts dans une prise de courant, vous allez comprendre que c'est très matériel. C'est simplement que le mode de représentation de l'électricité ou des informations n'est pas ce qu'il apparaît être. C'est la seule chose. Donc nous, on est très attachés à rattacher toutes ces choses-là à une forme de matérialité. Par exemple, quand on envoie un courriel, ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'information. Les fermes de serveurs de Google, on sait que comme il faut refroidir les serveurs, les fermes de serveurs, parce que les ordinateurs, ça chauffe, eh bien on sait que ça consomme une énergie monstrueuse. L'ensemble du réseau, je dirais, d'information des États-Unis a été fait pour que, entre les centres de commandement et Wall Street, ce soit le plus court possible. Donc, il y a toute une matérialité que nous ne connaissons pas. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que cette matérialité et l'art, c'est de la matérialité, et bien cette matérialité vient alimenter et vient transformer ce qu'est aujourd'hui la production artistique avec ce qu'on appelle le post-internet ou le post-digital. Puis peut-être vous disiez en début d'entrevue, vous disiez bon, ça va être appelé à être répété avant qu'on commence l'entrevue aussi, vous me dites ça va être beaucoup plus gros, donc ce qu'on voit à la Chambre blanche c'est une maquette. Oui, c'est une exposition qu'on a tout fait en 3 semaines, donc on va effectivement refaire l'exposition, faire une exposition sur ce même sujet en Chine, on part là en mars, on part à Pékin. On va ensuite aller à Bruxelles, à l'IMAL, et puis on va sans aucun doute aller aussi en Espagne. À chaque fois, bien sûr, on va adapter l'exposition, mais on va lui donner peut-être une plus grande proportion. Alors, je ne parlerai pas d'immersion, parce que la notion d'immersion ne me plaît pas beaucoup. Okay. Mais en tout cas, une dimension architecturale, une peut-être? Une dimension architecturale et une dimension atmosphérique. Nous, on n'est pas très intéressés par les objets, mais par une atmosphère, quelque chose qui va nous plonger dans une certaine atmosphère. Et d'ailleurs, je tiens à signaler qu'à la rentrée, on participera aussi à Montréal au mois de la photographie, dont le thème est post-photographie, et on le fera en duo chez Clark avec Dominique. OK, voilà. Ben, Grégory Chatonsky, merci beaucoup. Merci à vous. Donc, vous présentez des mémoires éteintes avec Dominique Sirois à la Chambre blanche. C'est jusqu'au 1er mars. On fait une pause de retour. On discute avec Fanny Hénon-Lévy. Après un retour réussi l'an dernier, la Ligue d'improvisation musicale de Québec bat son plein pour la saison 2014-2015.

Voilà, on est de retour à l'aérospatiale. Julie Gagné, toujours avec vous, jusqu'à 18h30 pour discuter art visuel. On a un petit problème, Fanny et Non-Lévy n'est pas encore arrivée, mais on peut quand même parler de toutes sortes de choses qui vont se produire. On l'a dit en début d'émission, vous le savez certainement, c'est le mois multi, on aura l'occasion d'en parler plus avant. Mais il y a autre chose aussi qui se passe à Québec au mois de février, notamment vendredi prochain à 17h, c'est le vernissage d'Alexis Bélanger, l'exposition Bad Sampling qui est présentée au lieu, ça débute. Également, une conférence, c'est la saison de la photo qui débute au Musée national des beaux-arts du Québec. Il y a une conférence sur le photojournalisme qui aura lieu dimanche prochain, donc 22 février à 14h à l'auditorium. Le nombre de places est limité, donc si vous voulez réserver, c'est le 88-643-2150. Également, une visite commentée sur le programme double saison photo. Donc, les visites auront lieu, c'est à compter du 21 février, les mercredis, samedi et dimanche à 13h30 et à 15h et le mercredi soir à 19h. C'est gratuit avec le billet d'entrée aux expositions. Il y a aussi dimanche prochain, c'est une initiative quand même intéressante, un concours de dessin en collaboration avec le Salon international du livre de Québec. Donc, c'est dimanche prochain à compter de 10h30. Également, quelques petites expositions qui ont lieu en dehors du contexte du mois multi. Il y a l'exposition de Dominique Beaupré-Saint-Pierre, ce qu'il y a derrière l'écorce qui est présentée à Materia jusqu'au 22 mars. La galerie Michel Guimond aussi va inaugurer en fin de semaine une exposition sur les microchromies de Fernand Leduc. Donc, ça peut valoir la peine de passer peut-être dimanche en cours de journée. Également, l'exposition de Christian Messier est toujours présentée à Regard. Je suis le dieu du feu de l'enfer et je vous apporte le feu. Donc, c'est présenté jusqu'au 22 mars. On va faire une pause audio, puis on vous revient tout de suite après. On écoute un extrait. Alors, ben attendez, avant de passer en pause, j'ai envie de vous inviter à visiter le site l'aérospatiale.wordpress.com si vous voulez le lien pour le téléchargement des pièces de Simon Roy. C'est toujours des pièces gratuites. Également, les liens pour la revue de presse de Raymond Poirier, les communiqués en heure actuelle. Si vous voulez, vous avez manqué une émission, vous voulez la réécouter, vous pouvez le télécharger avec la balado-diffusion. On est également sur Facebook. Voilà, donc on écoute un extrait de la pièce « Watch the Sky » de My Own Cubic Stone. C'est tiré de l'album « Myth of Icarus ». Voilà, on est de retour à l'aérospatiale et pour discuter des installations du Mois Multi, j'accueille Fanny Hénon-Lévy. Bonsoir. Salut Julie. Et j'accueille Jean-Pierre Gay. Bonsoir Jean-Pierre. Salut. Là, les deux, vous allez me parler de ça, là, parce que moi, je suis pas encore allée. J'y vais vendredi avec un groupe d'étudiants. Je me suis dit, on va faire d'une pierre deux coups. Puis là, je me suis dit, ben bravo la grande, parce que là, on va en parler à ton émission, puis tu l'as pas vu, mais bon, je serai la profane qui ne comprend pas et qui vous demandera de préciser des choses. Mm-hmm. Donc peut-être, je sais pas, Fanny, quelques installations qui t'ont marqué. Jean-Pierre, si tu as envie de commenter puis de compléter par la suite, oui. Ben, ce sera, ben moi, je passe mes journées, c'est l'occasion de commenter ces installations-là. Je fais les visites guidées ou moi multi. Alors, j'ai donc l'occasion d'en parler amplement. Ben voilà. Donc, Fanny, peut-être commençons par toi. Moi, j'aurais le goût de parler de la bande vidéo. À la bande vidéo, il y a la femme dans la chambre d'Andréane Roussel que tu as dû voir, Jean-Pierre. Oui. Et c'est une installation vidéo interactive élaborée à partir d'un système de capture de mouvement. Mm-hmm. Et ça te plonge le spectateur dans une salle obscur, en tête à tête avec une femme qui réagit à tes propres mouvements, avec une chaise posée là, en face d'elle. Donc, t'es amené de façon très immersive en face de ce personnage féminin qui réagit à tes mouvements. En faisant les mêmes. Elle fait pas les mêmes mouvements que toi. Tu rentres dans son intimité. Elle est allongée sur son lit. T'as le crissement des draps. Elle est en petite tenue. C'est pas du tout. Tu sais, c'est très sensuel, mais il y a rien d'érotique là-dedans. Mm-hmm. Et d'un seul coup, tu sais pas pourquoi, t'as bougé et elle s'assoit et elle te regarde dans les yeux. Et là, elle te fixe, tu t'essayes de rentrer en interaction avec elle, t'as l'impression d'entrer en interaction avec elle et en fait, t'es face à une image. Ben donc, ouais. il y a cette impossibilité, il y a à la fois cette proximité incroyable. Une grande profondeur de communication, mais qui est impossible parce que pas simultanée. Puis une intimité qui est troublante, vraiment. Et en même temps, une mise à distance liée évidemment au médium, parce qu'on est en face d'une image, et d'ailleurs c'est le processus de l'artiste, hein, c'est aussi de penser à cette distance-là qu'il peut y avoir entre deux êtres et le médium, l'interface finalement, j'ai envie de dire, de qu'est la vidéo. Si on agrandit le champ, les médias. Ouais, ouais. Donc c'est une réflexion là-dessus. Tu te sens à la fois intrusif et accueilli par cette installation-là. Donc j'ai vraiment trouvé ça très intéressant. C'était vraiment tiraillé entre ces deux extrêmes-là. Est-ce que c'est comme ça que tu le reçois, Jean-Pierre? Ben, moi, c'est-à-dire que oui, je le recevrais comme ça, mais moi, j'ai eu l'occasion d'y aller, je pense que c'est au moins quatre fois jusqu'à date, mais je suis toujours avec un groupe, donc là, on peut pas avoir cette espèce d'intimité, cette espèce de relation de personne à personne, mais je peux facilement imaginer que si quelqu'un qui y va tout seul et qui s'installe dans cette espèce de fauteuil qu'il y a au centre de la pièce, il devient comme le centre d'attention de ce personnage-là. Et il s'établit une relation, il est possible d'établir une relation assez particulière parce que elle est dans une projection vidéo, là, elle est pas réelle et elle va même jusqu'à écrire un mot sur un papier qu'elle nous tend et qu'on ne peut évidemment, ça vient encore plus accentuer l'écart qu'il y a entre les deux parce qu'il est impossible évidemment de prendre ce billet puis de voir ce qu'elle nous écrit. Tout à fait. Mais il y a aussi le côté très pictural de la mise en scène. T'es à la fois devant une photo, c'est intéressant parce que Andréane Roussel, elle est titulaire d'un bac en direction de photographie. Okay. Et moi, avant de lire ça, moi en allant voir cette installation-là, quand je me suis retrouvée dedans, je me dis, il y a vraiment un rapport à l'image, la composition, le côté pictural, et vraiment, tu te retrouves en face d'une photographie qui bouge. Alors ça me fait une belle, un beau coulé vers l'exposition. À vue. Oui. j'enchaîne gentiment, mais c'est en lien. J'ai trouvé que c'était en lien aussi avec l'exposition de Léna Mille Royard, Fenestra, qui elle aussi joue sur l'imbrication temporelle, le rapport entre la photographie, l'image photographique et la vidéo au milieu de l'espace. Donc on a évidemment des photographies et au milieu de l'espace on a une vidéo qui à première vue n'en est pas une. Si tu prêtes pas attention, tu vois pas que c'est. En plus, moi, j'y suis allée en pleine journée, donc on voyait à peine le mouvement. Ah ouais. Et effectivement, en restant devant, en prenant le temps de rentrer dans cette image-là, là, tu te rends compte qu'elle est en train de bouger presque au rythme de ton corps. Il y a quelque chose de très organique dans cette image-là. C'est peut-être ce qui fait qu'on le remarque moins, justement, étant donné ce rapport-là au corps. Mais c'est intéressant aussi parce que tu regardes l'image, et elle te surprend, en fait. Tu comprends. Est-ce que Jean-Pierre, toi, t'as le même. Ça, elle brouille les pistes quand même, tu vois, la frontière. Oui, en fait, on retrouve presque la même image tout le tour de la salle aussi, sur les murs. Tout à fait. C'est le même. Ce sont des images qui ont été prises dans l'atelier de son père ou d'elle, je ne sais pas trop là, mais c'est pris dans un atelier. Et donc, ce sont des planchers en bois et des murs en gypse. Et cette photo du centre, elle est plus texturée. Puis on a l'impression qu'elle bouge. Et effectivement, sur cette photo qui est disposée au centre de la pièce, il y a la projection du même lieu, mais avec une vidéo. Alors ça bouge un peu, on voit arriver le soleil, on voit la fenêtre s'illuminer, puis tout d'un coup elle redevient moins lumineuse. Donc mais quand je dis tout d'un coup, c'est pas tout d'un coup, ça prend un certain temps. Moi j'ai eu l'occasion de le voir à divers moments de la journée et de voir que la fenêtre elle est pas toujours de la même couleur. Et donc il y a ce jeu là sur le temps qui est fait aussi avec la photo centrale, puis oui, moi j'ai trouvé c'est ça très intéressant. C'est très épuré, c'est mystérieux, c'est dans l'atelier de Mille, hein. De Richard Mille, oui. Okay. Et effectivement, ce côté très épuré, ça met l'emphase sur la lumière, qui est à la fois très mystérieuse et à la fois c'est un élément reconnaissable. C'est-à-dire que c'est très familier. Mm-hmm. Tu vois cette lumière, c'est vraiment des apparitions qui est très proche du feu aussi. Mm-hmm. Ce reflet. Ondoyant, parce que manière. Pas les images photographiques, non. On voit clairement que c'est un reflet de lumière qui frappe sur une fenêtre. T'as des éléments graphiques qui te permettent de voir que ça frappe sur une fenêtre. Mais ça vient aussi créer un élément très graphique dans un univers très épuré. Fait que finalement, l'ensemble de l'exposition est très apaisante. Il y a quelque chose de très doux et en même temps très intérieur. Il y a comme vraiment, je trouve c'est pas voulu là, mais l'exposition, voyant ce que l'installation vidéo que j'ai vue à la bande vidéo et Fenestra que j'ai vue à vue, je pense qu'il y a c'est vraiment intéressant de les voir l'une après l'autre. Oui. Il y a des connexions, le rapport à la photographie, le rapport à la vidéo, l'interaction qu'on peut en avoir, et puis le rapport au temps, évidemment, tu l'as dit Jean-Pierre, c'est clair là. Mais c'est intéressant parce que malheureusement là, l'exposition, peut-être Jean-Pierre tu peux nous informer à ce sujet-là, mais l'exposition qui était censée avoir lieu à vue là, elle est pas là à cause d'un problème, je pense qu'il y a eu à l'œil de poisson, il devait avoir une exposition de j'ai perdu le nom là. Moi aussi j'ai perdu le nom, c'est étonnant. Mais chose certaine, ça n'a pas lieu. Il y a eu tout un dégât d'eau la semaine dernière et ils ont dû heureusement là, l'exposition précédente avait été démontée, là, donc les œuvres ont été épargnées. Ah ouais. Mais ils ne peuvent pas réparer ça avant pour l'exposition là, qui devait commencer cette semaine. OK, donc c'est Rémillard, je pense, son nom. Olivier Rémillard, quelque chose comme ça. Donc c'est un parcours qui va se faire naturellement aussi. Donc on part de la bande de poissons, puis voyons, la bande de poissons. Hey, là, la bande c'est vidéo. Pas la bande vidéo. Mais il faut aller aussi, dans les deux salles de Méduse en bas, là. Ben oui, ben parlons-en. Moi, je vous écoute, là. Comme je dis, ben, j'ai pas vu. Donc, il y a beaucoup de. Je dis beaucoup. Il y a, le robot est assez à la mode dans cette expo. Oui, hein, il y en a deux. Ben, il y en a deux. Il y a Artie qui explique. C'est un collectif de Québec qui s'appelle Fin Larmoiement. Il devait le présenter l'an dernier, mais pour des raisons pratiques, c'est le robot qui était malade. Ils n'ont pas pu venir. Alors, cette année, il est là et c'est un robot un peu rigolo qui aime bien se payer la tête des gens qui... parce qu'il dialogue avec les gens qui vont le voir. Et, en fait, il échange sur ce qu'est un artiste et il tente de voir si la personne qui est devant lui, qui dialogue avec lui, ben a le talent et le génie pour être artiste. Et puis, et tu comprendras que sa conclusion, c'est que, étant donné que c'est lui le seul génie, ben que la personne ne peut pas l'être. Mais ça se fait de façon très humoristique, très très drôle, très. Ça prend un bon 15-20 minutes avant de faire le tour. Donc c'est okay, c'est un échange assez intéressant qui peut aller dans toutes sortes de directions. Moi, j'ai remarqué que le robot avait pas toujours le même discours. Donc, il y a comme des endroits où il y a des virages à gauche ou à droite là, qui sont faits par ce robot là. Puis dans le fond, tout dépend des réponses du spectateur. Oui. OK, quand même. Oui, fait qu'il y a moyen d'avoir, entre guillemets, une discussion là. Non, parce qu'en fait, il y a des réponses qui sont proposées. Puis selon le choix de la réponse, il y a toujours deux ou trois choix de réponse. Selon le choix de la réponse, ben lui, il va s'enligner sur tel type de contrepartie. Il y a aussi un autre robot qui s'appelle The Blind Robot, le robot aveugle. Malheureusement, celui-ci a perdu un bras au cours de la première fin de semaine. Donc, il est aveugle et manchot, pauvre robot. Aveugle et manchot maintenant. Et c'est parce que sa propriété à ce robot-là, elle était de caresser les visages déjà. Caresser à une main, ça se fait toujours, là, mais là, disons qu'avec une main en moins, ça va moins bien. Ça n'a pas la même portée. Mais cependant, c'est une relation encore là très personnelle, de un à un. On est assis devant un miroir et le robot est entre nous et le miroir et lentement il se met à nous caresser le visage avec ses doigts. Ça crée c'est comme une première pour évidemment beaucoup de gens qui ont jamais été caressés par un robot dans leur vie. C'est un peu comme le premier baiser. Mm-hmm. On se demande un peu ce qui va nous arriver dans cette rencontre là. Donc c'est assez intéressant à voir la réaction des gens. Certains ont très peur, d'autres sont bon, ils s'y prêtent facilement. Puis donc ça, c'est une œuvre de Louis-Philippe Demers de Montréal qui a imaginé ce robot. Ça fonctionne assez malgré tout, même s'il n'y a qu'une seule main. Puis toi, Fanny, comment t'as réagi? Parce que quand Jean-Pierre a abordé ça, tu m'as regardé avec le pouce dans les airs. Moi, j'ai eu la chance de l'expérimenter avec les deux bras. Mm-hmm. Et j'ai trouvé ça envoûtant. Je trouvais que c'était... je serais restée là des heures. Là. Puis, il rebaisse les mains, l'air de dire, ben là, c'est fini, là. C'est lui qui te met les limites et c'est comme tu dis, c'est un premier baiser, c'est une première fois pour moi et c'est à la fois très intimidant parce que tu te retrouves devant une machine froide et qui te pose ses mains, donc t'es vraiment devant une bête. Tu vois, c'est à la fois un robot mais une espèce de bête étrange que tu rencontres pour la première fois qui vient te toucher en plus. Toi tu ne la touches pas mais elle rentre en interaction avec toi. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant. Puis toi, d'un seul coup, j'ai levé les yeux, je me suis retrouvée en face du miroir, en train de me faire toucher par le robot. En tout cas, c'est une expérience à vivre. C'est très particulier. Et aussi, cette espèce de musique qu'il y a en fond qui accentue le caractère un peu étrange de l'affaire. C'est pas une musique chaleureuse, très vraiment. C'est une musique un peu mystérieuse. Mmh. Alors, il y a toute une mise en scène qui accentue le caractère étrange et qui peut déranger les gens. Mais je trouve ça intéressant parce que ça me semble, dans ce que j'entends, ça me semble un peu sacré, un peu mystique, un peu intime aussi. Mm-hmm. Ça me rappelle même, on voit souvent ça, là, des vidéos, ces deux étrangers qui se voient pour la première fois, qui se regardent après un certain temps puis qui s'embrassent. Je trouve qu'il y a, on dirait qu'il y a ça dans cette rencontre-là avec le robot. Oui, il y a ça, mais malgré tout, ça reste un robot. Hein. C'est, ce ne sont qu'une paire de bras. on voit pas un robot dans son entièreté là. OK, donc il y a pas il y a pas de personnage là-dedans, ce ne sont qu'une n'est qu'une paire de bras. En fait, c'est que ça pose quand même la question de l'étrangeté. C'est, oui. si quelqu'un que je ne connais pas me touche le visage de cette manière, est-ce que finalement je vais pas ressentir, tu vois, il y a quand même l'idée de qu'un étranger vient toucher, vient rentrer en interaction physique avec ton corps, avec toi. Donc il y a, c'est un robot, je suis d'accord avec toi, et le fait que tu dis c'est une paire de bras, oui, mais est-ce que c'est, si c'était une paire de bras humaine, c'est intéressant de les mettre en parallèle, tu vois. Il y a quelque chose d'humain en même temps, ça pose la question de notre limite aussi personnelle par rapport à l'autre. Oh oui, il y avait aujourd'hui une jeune fille qui disait, c'est la première fois que je me fais toucher comme ça. Ah ouais. Elle était toute gênée là, de se faire caresser par cette main là. C'était assez impressionnant. Ben ça veut dire que c'est bien fait aussi. Oui, si ça procure ce sentiment. Oui, c'est bien fait. Là. C'est pas violent là. Tout ça se passe en douceur là, et ça accentue encore là, le caractère étrange, parce que tout ça se fait pas là tout d'un coup. Là, ça, il y a une progression dans le mouvement du bras, puis qui fait qu'il s'en va vers ton visage lentement. Il y a une progression dans la caresse aussi. Donc tout ça est bien fait. Et si on poursuit notre visite, parce qu'il nous reste peu de temps, l'émission, il reste 3 minutes. De la couvée. La couvée, oui. Une œuvre d'Alexis O'Hara de Montréal, qui, elle est féministe, et deux, elle a voulu travailler sur l'idée que dans le cycle de vie productive d'une femme, elle aura 492 en moyenne, c'est ce qu'on dit, ovulation. Okay. Donc, elle est partie de cette idée-là pour créer une sorte de cocon qui est composé de toute une série d'œufs. Bon, appelons ça des œufs, là. Mais qui ont été faites avec des femmes à regrouper autour d'elles, d'un espèce de collectif avec qui elle a préparé cette œuvre-là, et qui ont chacune tricoté au crochet un ou plusieurs petits ou gros œufs. Ils sont tous de tailles différentes, de couleurs différentes. Ça fait comme un immense cocon. Okay. Au-dessous duquel il y a un lit, un oreiller, on peut se coucher là et être en l'intérieur de cet immense cocon qui peut représenter quelque sorte un utérus aussi. Mais il y a quelque chose de très organique, très chaleureux dans cette... Et il y a aussi une bande-son qui accompagne ça, une bande-son très, très moderne par contre. Donc on est à la fois dans l'artisanal et dans le très contemporain par l'ambiance. Mais c'est une œuvre qui est très touchante. C'est la première œuvre qu'on peut voir après Artie, là, lorsqu'on entre dans la salle de Méduse. C'est intéressant aussi le contraste, justement, le crochet. On voit rarement ça, là, au moins ici. Oui. Une technique ancienne, en fait, ce que j'ai compris. Là, moi, je suis pas un très grand scotteur, mais j'ai compris que c'était une vieille technique de nos grands-mères. Voilà. Hey, c'est déjà tout le temps dont on dispose. Hein, ça passe vite. Je veux juste souligner, Julie, que contrairement aux années précédentes, il n'y a pas 2 semaines complètes d'exposition. Tout ça se termine en fin de semaine, dimanche. Donc, la semaine prochaine, il y a de nouveaux spectacles dans le cadre du mois multi. Donc, les salles vont être débarrassées, puis il y aura des spectacles. Est-ce que tu peux nous préciser les heures d'ouverture, Jean-Pierre? Les heures d'ouverture, ben, c'est de midi à 18h, hein? De tous les jours, à partir de demain. Voilà, donc on y va sur la pause dîner. De midi à 17h, pardon. À 17h, voilà, on se dépêche à y aller avant que ça se termine. Jean-Pierre Gay, merci beaucoup. Merci. Fanny Hénon-Lévy, merci beaucoup. Merci. Donc, c'est déjà tout pour cette édition de l'Aérospatiale. Je vous remercie pour votre écoute. Je remercie mes invités et collaborateurs et je remercie Jacques Gignac, bien sûr, à la mise en onde. Je vous souhaite une belle soirée avec Gilles Chaumel et son folk d'Amérique.